Yeah, yeah, Saint-Jean! On est-tu en forme ce soir? Hey! À l'international de Montgolfière de Saint-Jean sur le Richelieu! On a une foule pas pire ce soir! Mais ça, j'ai un problème, mes oreilles, moi je les entends pas! Êtes-vous prêts pour une belle soirée? Ok, ok! Je sais pas si vous savez là, mais on s'appelle Simple Plan. On est ici pour faire la fête avec vous. Mais là, je vais voir quelque chose. Je vois bien du monde ici là. Je l'envoie jusqu'à l'arrière là-bas. Est-ce que vous me voyez? Je l'envoie jusqu'à l'arrière là-bas aussi. Est-ce que vous me voyez? Ok. Là, moi, je veux voir tout le monde ici. Un océan de personnes ici. Tout le monde. Je veux tous vous voir sauter avec moi. La prochaine s'appelle Jump. Here we go! Jump! Je comprends ce que tu dis, ok, là je te suis. I got a feeling. Est-ce qu'on a des fans de Simple Plan ici ce soir? Oh! Alors, je sais que je peux compter sur vous. Et puis les autres, c'est votre première fois peut-être. Alors, écoutez-moi là. Je veux voir tout le monde. Je m'en fous si vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 10 ans, n'importe quoi. On essaie quelque chose. Tout le monde ensemble. On a pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, là. Pas ça. On va tous sauter ensemble. Êtes-vous prêts? Là, c'est tout le monde, là. Les gars, les filles, les adultes, les enfants. C'est Jean. Êtes-vous prêts? Vous entends pas. Êtes-vous prêts? Here we go, here we go. I can't take it anymore. Préparez-vous, on se réchauffe. I can't take it anymore. Suivez-moi, suivez-moi. I can't take it anymore. Vous êtes incroyables. Merci beaucoup.